pour les skins, pour les flics, pour l'État, pour Sarkozy, sale poltringue. Ouais, ouais, on est là pour niquer les skins, les flics, l'État, Sarkozy, les jaloux et les rageux. Ouais, ouais. On c'est BRIB Gang. On c'est BRIB Gang. On c'est BRIB Gang. On c'est BRIB Gang. On c'est BRIB Gang. On c'est BRIB Gang. On c'est BRIB Gang. On c'est BRIB Gang. Ouais, ouais. Si, si. Le prix à payer, c'est tout de suite. Ok. Passe-moi un bédo, un joint de bœuf, t'inquiète. Eh, tu sais qu'est-ce que j'aime pas, moi? Non. J'aime pas les flics, ni les racistes, même si on les embrouille, on s'en bat les couilles, mais c'est pas grave, c'est le prix à payer. Ok, du want it, je viens te raconter ce qui se passe. Dans Maria, trop de messes basses. Trop de gens qui parlent et devant toi ils tracent. Hey, j'espère que t'as reconnu mon blast. J'espère que t'as reconnu mes faces de du want it. Eh ouais, j'encule les skins. J'pète la chatte à madame Le Pen Marine. Désolé d'être poli, mets du son dans ton bolide. Avec ou sans permis. OCBRIB Gang, on vient représenter. Et quand j'insulte la France, les racistes sont concernés. Quand je dis de remonter la pente, c'est pour mes frères enfermés. Fallait éviter de se faire cerner par ces enfoirés de Condé. Le thème, c'est le prix à payer. On est là pour vous saigner. J'essaie de me caler sur l'instru, à ne pas écouter vos insultes. RIB Gang, on assure, sur ce beat, on vous fissure. Je rappe en soignant mon écriture. Les frères, jamais je vous mettrai des bitures. Toujours là pour enculer la chmiture. J'kiffe manger kebab, mais putain, ça sent la friture. Je m'appelle D1T, j'imagine déjà mon futur. Nique sa mère les skins, je leur fais des points de suture. Je m'appelle D1T, le C franc et mon beau-père, c'est un queuture. Je ne fais que dracailler pour mes frères au foyer. Pourquoi on doit payer la bouffe et le loyer? J'emmerde la justice ainsi que les fascistes au tribunal. On doit payer, mais bientôt ça va douiller. Les flics pourrissent notre vie, on nous traite de bandits pour se faire du fric. Moi et mes frères on trafique, l'État nous inflige des dégâts. À moi et mes gars, on a tous la dalle, c'est complètement illégal. Avoir les jeunes en course poursuite, les petits frères prennent la relève trop vite. Les skins servent à que dalle, avec leur vieille marque lance dalle. Les flics veulent nous balayer, alors on exprime notre haine sur nos cahiers. Je dédie mon verre de sky à toutes les racailles. L'alcool a pris le dessus sur la jeunesse corrompue. L'État nous saoule. H24, trop difficile de dessouler, mais plutôt posé dans cette continuité. J'adore écouter le son des bandits qui me font rêver d'autre vie. Donc s'il va t'expliquer la rue, celle où les flics font des bavures, obligés de faire le mur. Demande à mes refrains comment on vit dans ma cité. C'est le son des gangsters, ne teste pas où on trague là. Laisse-moi lancer le cocktail que je cassine ces pucelles. Tu vas finir à genoux si tu joues trop le fou. Tu vas finir dans un cercueil si tu ouvres trop ta gueule. Dans mes veines coule la haine envers ces chiennes. Je défonce les barrages tellement j'ai la rage. Je suis déterminé à vouloir percer. Rien ni personne pourra m'en empêcher. Le bitume c'est ma plume, H24 sur le terre-terre. Nique sa mère le commissaire, je bicrave, tu te chies pour enrichir ma vie. Et traîne le soir pour défendre mon tier car j'ai les crocs à serrer et le cerveau déconnecté. Check mon RIB et viens représenter refrain. Dra yeah. Le prix à payer c'est de pas tout casser ni de tout cramer. Dans ma tête je suis un cramé. C'est Cody Wantin, Miskin et Noxic. On est là pour représenter la street. Car le prix à payer c'est de pas nous tester. Et c'est pas de nous mettre une bite dure. Sinon mon rap te fera ma coupe si t'avais pris un mur. Le prix à payer c'est de pas nous arrêter. Si si, c'est trop la zermie. Je nique tous les MC qui voudront ma peau et tous ceux qui gratteront sur mon bédo. Le prix à payer c'est d'avancer dans la vie et non reculer. Car la vie est faite de bien mais surtout de mal. Quand tu nous écoutes tu t'étales. Le prix à payer c'est de toujours se démerder. Surtout de trouver un producteur et un studio pour enregistrer. Mon blaze est diminutif, mon rap est évolutif. Car le prix à payer c'est de pas s'emmerder. Viens faire un tour au studio tu blesses, passer des soirées. Si si.